Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Palmyre, la perle du désert. Voici le temple de Baal à Palmyre en Syrie, vu du ciel jeudi dernier. Le voici à présent aujourd'hui. Il ne reste rien ou presque de ce joyau de la cité antique. Le groupe État islamique l'a démoli à coups d'explosifs d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La confirmation est venue des Nations Unies qui ont publié ces images, prises à 4 jours d'intervalle. Août 2015, Daesh, le groupe armé État islamique, s'attaque à Palmyre, ce joyau inestimable du patrimoine archéologique mondial. Palmyre, Venise des sables, cité des caravanes, carrefour culturel, ville métissée. Palmyre, trésor caché, redécouvert au 17e siècle, mais qui cache encore aujourd'hui certains de ses mystères. Partons donc à la découverte de la riche histoire de Palmyre. Maurice Sarthe, vous êtes historien spécialiste de l'histoire de la Méditerranée orientale. Vous avez écrit avec votre épouse Annie Sartre-Foria « Palmyre, la cité des caravanes » et « Zénobie de Palmyre à Rome ». Merci, M. Sarthe, d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de m'inviter. Avant de s'attaquer à cette riche histoire de Palmyre, Maurice Sarthe, un mot quand même sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette barbarie du groupe armé État islamique à Palmyre. Vous avez récemment écrit, et je cite parce que je trouve que c'est éloquent ce que vous avez écrit. L'État islamique à Palmyre, c'est l'État islamique dans la cour du Louvre. Détruire Palmyre, c'est abattre le Mont Saint-Michel ou Notre-Dame de Paris. C'est un site exceptionnel auquel s'est attaqué l'État islamique. Oui, et je crois qu'ils s'y sont attaqués justement parce que c'est un site exceptionnel. En faisant cette comparaison, en citant Notre-Dame de Paris et le Mont-Saint-Michel, évidemment, j'aurais pu transposer pour n'importe quel autre pays des monuments aussi emblématiques. C'était pour faire comprendre aux lecteurs et au public en France l'importance de l'attaque de Daesh. C'est-à-dire que ce qu'ils visent, c'est d'abattre ce qui peut être le plus emblématique d'une culture et de l'histoire d'un peuple. C'est le symbole même aussi de tout ce que Daesh déteste, c'est-à-dire le métissage culturel, l'idolâtrie, tout ce qu'on voudra. Oui. Mais je crois que c'est surtout parce que c'est le site le plus emblématique et celui auquel finalement l'ensemble de l'humanité, et les Occidentaux compris, mais on n'est pas les seuls, tient le plus. Ouais. Un mot encore là-dessus. Je vous propose un extrait. Fin août 2015, une entrevue qu'accordait Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Je crois que la destruction des sites de patrimoine mondial, dans ce cas-là, le temple de Baal Shamin à Palmyre, qui a été inscrit en 1980, par, à l'époque, et toujours le fameux archéologue Khaled al-Assad, assassiné brutalement, il y a quelques jours, sur le site même à Palmyre, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Et je crois que ce n'est pas par hasard que les extrémistes continuent cette destruction. C'est un nettoyage culturel parce que ce n'est pas seulement la crise humanitaire que nous avons vue déraciner les minorités, les Yazidis, attaquer aussi les chrétiennes, les syriennes, les turkmènes, toutes les autres minorités, mais aussi ils détruisent leur patrimoine immatériel. Irina Bokova, Maurice Sarthe, qui parle de nettoyage culturel, comme on parlait il y a quelques années en ex-Yougoslavie, au Rwanda, de nettoyage ethnique, nettoyage culturel. Je crois qu'elle a raison. Ce qui est en fait la clé pour comprendre le comportement de Daesh, c'est de penser que ce qui motive leur action, le choix de leurs actions, c'est de prendre le contre-pied de toutes les valeurs qu'ils déclarent, eux, des valeurs occidentales et qui sont depuis bien longtemps surtout des valeurs universelles. C'est le rétablissement de l'esclavage. C'est l'affirmation constante de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mmh. C'est l'affirmation aussi du rejet de toutes les autres cultures autres que la culture musulmane telle qu'ils la conçoivent eux d'ailleurs, puisque la plupart des musulmans sont à leurs yeux de toute façon d'affreux mécréants. Il ne faut pas oublier qu'à Palmyre, ils ont commencé d'abord par détruire des mausolées musulmans et les cimetières actuels de Palmyre. Mmh. Alors l'histoire de Palmyre, Maurice Sartre, venons-y, ça commence quand cette histoire de Palmyre ? Oh, ça commence très tôt dans le temps, mais malheureusement, on n'a rien qui le confirme. Le nom de Palmyre apparaît pour la première fois au XXe siècle avant Jésus-Christ, puis on le voit réapparaître temporairement, de temps en temps, comme ça, tous les 5 ou 6 siècles. Mais l'histoire même de Palmyre, archéologiquement et par les textes, elle commence en fait à la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, avec notamment le sac de Palmyre ou la tentative de sac de Palmyre par les armées romaines de Marc-Antoine en 41 avant Jésus-Christ. Et puis, c'est une des découvertes de ces dernières années, les Allemands ont repéré la ville hellénistique, c'est-à-dire la ville du 3e au 1er siècle avant notre ère. Qu'on ne voit pas encore, de fait. C'est des trésors qui sont toujours cachés. Ironiquement, mais enfin, croisons les doigts, mais avec ce que l'État islamique fait à Palmyre, peut-être que c'est l'avenir de Palmyre, ce qui se trouve encore sous terre. Oui, à condition qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ont fait dans la vallée de l'Euphrate, c'est-à-dire de faire des trous absolument partout pour essayer de piller. Mais bref, donc, période hellénique qui est encore assez peu connue. Elle est assez peu connue, mais on sait que la ville existe probablement depuis la fin du 3e millénaire, mais on ne peut pas tracer son histoire. On sait que c'est un refuge des nomades et bien entendu des nomades, donc des brigands, puisque pour tous les sédentaires, les nomades sont par définition des brigands, que ce soit vrai ou non. En tout cas, ils les appellent comme ça. Et puis Palmyre deviendra... Est-ce que c'est l'âge d'or, ce Palmyre, ville romaine? Alors, oui, je crois qu'on peut dire... D'abord, la ville que les touristes voyaient, et celle dont il reste autant de vestiges, où il restait autant de vestiges, c'est l'époque romaine, c'est la ville du 1er au début du 4e siècle, en gros. Mais ce n'est que la moitié nord de la ville, puisque la moitié sud, celle dont on vient de parler, n'est pas encore fouillée. Parler d'un âge d'or, je crois que ça s'impose parce que c'est sûrement la période d'abord la mieux documentée et puis celle qui a laissé des traces les plus éblouissantes de l'architecture, d'un développement architectural, urbanistique, etc. Donc cet âge d'or repose essentiellement sur la fonction de Palmyre comme ville d'entrepreneurs de transport. Il faut combattre une idée qui est souvent répandue, c'est que les Palmyréniens seraient des grands marchands. Ce n'est pas vrai. Ce qui fait la fortune de Palmyre, je ne dis pas qu'il n'y a pas à Palmyre des marchands, bien entendu, mais ce qui fait la fortune de Palmyre, c'est qu'il y a là des gens qui possèdent des chameaux, ce qui est indispensable pour traverser le désert, qui organisent donc les caravanes pour les marchands qui veulent aller commercer en Mésopotamie, qui connaissent les pistes, et dans le désert c'est quand même, vous en conviendrez, essentiel, qui connaissent également les tribus et qui négocient avec elles le passage, le libre passage vers la Mésopotamie. Mmh. C'est ça la fortune de Palmyre. Puis Palmyre, cité des caravanes, c'est vraiment... C'est amusant, mais pour reprendre votre idée, où il ne faut pas dire, il ne faut pas voir Palmyre comme une ville commerçante, mais c'est vraiment une cité des caravanes. Ces fameuses caravanes, Maurice Sartre, en fait, on ne les voit pas passer dans la ville de Palmyre. Bien sûr que non, parce que les gens de Palmyre savent très bien que si la ville était envahie de caravanes, ça serait infernal. Les chameaux, ce n'est pas un animal particulièrement propre et délicat. Et puis, surtout, il y a une autre raison qui est une raison fiscale. Palmyre, il faut l'ajouter tout de suite, est une ville de l'Empire romain. Il faut bien que ça soit clair. C'est une ville de l'Empire romain, probablement dès 17 de notre ère. Et cela jusqu'à la conquête musulmane, sans aucune exception, sans aucune rupture. Oui. Mais ce qui fait la fortune de Palmyre, c'est donc ce qu'on vient de dire, l'organisation des caravanes. Mais elles ne viennent pas en ville parce que Palmyre a un octroi municipal. Or, les marchandises qui rentrent dans l'Empire romain payent déjà la douane romaine à Palmyre, qui est un peu en dehors de la ville. Et si les marchandises devaient en plus rentrer dans la ville, elles paieraient en plus l'octroi municipal, ce qui évidemment n'a aucun intérêt, puisqu'elles paieraient à l'entrée et à la sortie. L'octroi municipal fonctionne dans les deux sens. Ouais. Donc en fait, ce qu'on sait, et on l'a archéologiquement attesté, c'est que toutes ces caravanes campent à proximité de Palmyre, parfois à une vingtaine de kilomètres, dans des caravansérails. On en a repéré un grand nombre tout autour de la ville, avant de continuer leur route vers la Méditerranée et l'intérieur de l'Empire romain. Et ça fait que Palmyre devient, au-delà de l'aspect commerçant, de l'aspect cité des caravanes, un véritable carrefour, une ville métissée. Et ça se voit, Maurice Sartre, ça se voit évidemment dans l'architecture de la ville, ça se voit dans la manière dont les gens s'habillent, ça se voit partout. Oui, c'est une ville qui est à la fois qui est très cosmopolite. Encore une fois, c'est une ville de l'Empire romain qui est organisée comme une ville de l'Empire romain d'Orient, enfin en Orient, c'est-à-dire sur le modèle des cités grecques. Mais c'est une ville qui culturellement est très métissée, avec notamment des influences venues d'un peu partout. D'abord, il y a les traditions locales, bien entendu, des gens de l'oasis. Il y a les traditions du désert et des Arabes du désert. Arabes, et c'est peut-être dans le Panthéon qu'on voit le mieux ce métissage, parce que les grands dieux de Palmyre représentent, si j'ose dire, les différents courants d'influence qui s'expriment à Palmyre. Il y a Alat, la grande déesse arabe. Il y a Bel, celui dont le temple vient d'être détruit, qui est le dieu de l'oasis, un dieu topique, comme on dit, c'est-à-dire le dieu du lieu. À l'origine, d'ailleurs, il ne s'appelle pas Bel, mais Bol. Et ils ont pris ce nom de Bel en Mésopotamie, parce que ça faisait sans doute plus moderne ou plus chic. Et puis, il y a les dieux de Mésopotamie, comme Nabou, le dieu scribe, qui a un grand temple. Il y a Baal Shamin, qui est le dieu des sédentaires syriens, dieu de l'orage, de la pluie, de la fertilité. Et puis, on trouve des dieux qui viennent de Phénicie. Et donc, on a bien. Et puis, il y a des dieux grecs. Par exemple, Héraclès. Mmh. Héraclès, qui est représenté sur un des linteaux bien connus, conservés, Dieu merci, en dehors de la Syrie. Je dis Dieu merci pour l'instant. Ouais. Où on voit Héraclès nu, avec sa massue sur l'épaule et puis sa peau de lion, tout à fait dans la tradition grecque la plus élémentaire, la plus constante, en quelque sorte. Ouais. Donc, on a ce métissage. Ce métissage, il est linguistique aussi. C'est la seule ville de l'Empire romain où les textes officiels sont gravés à la fois en grec, c'est la langue officielle, et en araméen. L'araméen étant souvent un simple résumé de la partie grecque. Mmh. Mais on emploie aussi le latin. On a des textes en latin, on a des textes trilingues à Palmyre, ce qu'on a assez rarement dans d'autres régions de l'Empire romain. Et puis, deux personnages qui sont étroitement associés à Palmyre, à cet âge d'or de Palmyre, Odénate et Zénobie. Je vous propose, Maurice Sartre, d'écouter un extrait de la bande-annonce du film « Sous le signe de Rome », réalisé en 1959. Je pense que ça va vous faire sourire, mais peut-être aussi sourciller. Une page d'histoire glorieuse sous le règne de Zénobie. Une reine a-t-elle le droit d'aimer au milieu des haines et des passions que déchaîne sa puissance? Comme toi, je tiens à la vie. Tu en as le droit. Tu es jeune, belle, puissante. Et seule. Rien qu'un geste et tous les hommes se jettent à tes pieds. Et celui qui ose refuser devant Rome de s'agenouiller, qui est-il, un traître? Et celui qui ne s'agenouille pas aux pieds de Zénobie, qui est-il? Un ennemi. Un merveilleux film où alternent tour à tour le charme, la haine, la passion et la violence. Ah, je n'ai pas vu ce film, mais je soupçonne qu'il ne soit pas si merveilleux. Mais ça, c'est autre chose. Moi, si, je l'ai vu. Et c'était un grand film, Maurice Sartre? Alors, non, ce n'était pas un grand film. D'abord, je veux dire plusieurs choses. D'abord, l'histoire qui est racontée n'a strictement aucun rapport, mais je dis bien aucun, avec le moindre élément de la vie de Zénobie telle qu'on la connaît. Oui. Ce qui est intéressant dans l'extrait que vous avez écouté, c'est qu'on y retrouve tous les fantasmes et toutes les erreurs qui sont véhiculées sur Zénobie. D'abord, un mot d'Odénate. Odénate, c'est son mari, c'est un sénateur romain. C'est l'un des rares Syriens qui soit devenu sénateur de Rome. Et ce qui a fait sa gloire, ce n'est pas du tout une révolte contre Rome ou quoi que ce soit, c'est qu'il a mobilisé les troupes romaines et qu'il les a conduites à la victoire contre les Perses qui avaient envahi la Syrie. Mmh. Et puis, il est assassiné dans des conditions mystérieuses et on ne sait pas pourquoi. Mais fort de sa victoire, il avait pris le titre de roi des rois, c'est-à-dire il avait pris le titre de son adversaire perse, avec la bénédiction de l'empereur de Rome, que ça ne gênait évidemment pas de voir ce sénateur romain revendiquer le titre de roi des rois. Mmh. Et c'est à ce titre-là que Zénobie porte le titre de reine. Et donc, deuxième remarque fondamentale, elle n'est pas reine de Palmyre. Elle n'a jamais été reine de Palmyre pour une raison simple, c'est qu'il n'y a jamais eu de royaume de Palmyre. Elle est reine parce qu'elle est l'épouse du roi des rois. Veut-elle renverser le pouvoir romain? Ça, c'est évoqué aussi dans l'extrait. Alors, voilà, c'est évoqué. C'est la tradition qu'ont imposée les Occidentaux et qui a été évidemment reprise par les nationalistes syriens qui veulent faire de Zénobie le leader du Front de Libération Nationale de la Syrie contre Rome. C'est faux de A à Z. Ouais. Zénobie, elle se proclame impératrice de Rome. Ce qu'elle cherche, c'est pas à faire sécession. Elle n'a jamais fait sécession. Elle a battu Rome Monet sur les modèles romains. Elle fait dresser des milliaires avec le nom de son fils Wabalat, empereur romain, et elle, comme mère de l'empereur, elle est évidemment Augusta, impératrice. Donc ce n'est pas du tout une sécession, une révolte contre Rome, c'est une tentative de prendre le pouvoir à Rome, comme des tas d'autres gens l'avaient fait. Il ne faut pas oublier qu'on est dans cette longue période qu'on appelle de la crise de l'Empire romain, où depuis 235, on doit en être, au temps où Zénobie se proclame, c'est-à-dire en 270-271, on a déjà vu passer une trentaine d'empereurs au minimum. Et il n'y a pas d'usurpateur, puisqu'il n'y a pas de critère de légitimité. Et Maurice Sartre, après cette période, donc cet âge d'or, cette période où Zénobie est là, arrivera un déclin, en fait, le lent déclin de Palmyre. Et on redécouvrira Palmyre qu'au 17e siècle. Ce sont les Anglais qui retournent. Je crois qu'il faut insister sur le fait que, après l'échec de Zénobie, la ville ne disparaît pas. En ce moment, on ne cesse de lire dans la presse des gens qui croient savoir et qui ne savent rien et qui nous racontent que Palmyre a disparu après la capture de Zénobie. C'est absolument faux. La ville est habitée au moins jusqu'au 10e, 11e siècle et les Polonais ont fouillé des maisons qui sont occupées. D'abord, la ville a été fortifiée par Dioclétien, puis refortifiée par Justinien, fortifiée encore par les Arabes. Donc, la ville continue à exister, mais c'est vrai que ça devient un village. Au XVIIe siècle, lorsque les Anglais redécouvrent la ville, elle est presque déserte et les quelques habitants habitent tous dans l'enceinte du temple de Bel. Et pourquoi cherchent-ils à revenir à Palmyre, ces commerçants anglais? Mais parce que Palmyre, le souvenir de Palmyre ne s'est jamais perdu. Et il y avait cette belle histoire d'où sort à peu près toutes les erreurs véhiculées par les romanciers ou par le film que vous avez cité tout à l'heure, qui est la vie de Zénobie dans l'histoire Auguste, c'est une chronique de la fin du IVe siècle. Et le souvenir donc de Palmyre et des aventures de Zénobie faisait rêver tout le monde. Donc on a essayé de retrouver, parce qu'on savait pas, on savait où c'était, mais personne n'y était allé, sauf peut-être un rabbin espagnol au XIIe siècle, mais on n'est pas sûr qu'il y soit allé, parce qu'il raconte tellement de choses invraisemblables qu'on peut en douter. Donc les Anglais le redécouvrent en 1691. Et puis c'est qu'au XXe siècle, au fond, où le travail sérieux sera fait, cette fois-là, par des Français. Par les Français à l'époque du mandat. Déjà, on vide à cette époque-là l'enceinte du temple de Bel occupée par le village, et on crée la ville moderne actuelle. Et les fouilles sérieuses, les restaurations peuvent commencer. Mais si les Français ont une part importante dans ces travaux, il ne faut pas oublier ceux des Suisses, ceux des Polonais, ceux des Japonais, ceux des Allemands, et j'en oublie peut-être, mais des Norvégiens aussi, récemment plutôt eux dans les environs. Donc c'est un chantier énorme qui peut mobiliser l'énergie de nombreuses équipes, et espérons qu'il y aura encore quelque chose à fouiller lorsque, je l'espère, on pourra reprendre pied à Palmyre. Bouclons la boucle, justement. Maurice Sartre, dernier extrait à entendre. Ça nous ramène, parce qu'évidemment, le groupe armé État islamique a détruit une bonne partie des richesses de Palmyre. Ce n'était pas la première fois qu'il se prêtait à ce petit jeu. Souvenez-vous de Tombouctou en 2012. Marc-André, quelle est la situation à Tombouctou? Ben, ce matin, les gens de Timbuktu se sont réveillés au son des armes, ou surtout ils ont, ce qu'ils ont réalisé, c'est que les islamistes qui menaçaient de s'en prendre au monument historique de la ville de Timbuktu depuis plusieurs mois, depuis qu'ils ont envahi la ville, eh bien, ils ont mis leur menace à exécution. Et donc, un premier monument a été détruit ce matin, le monument à Sidi Mahmoud. C'est un mausolée musulman. C'est un mausolée qui est très important pour les gens de la région. Et c'est un des monuments qui explique pourquoi on appelle Timbuktu la ville des 333 saints. Alors, je voulais qu'on entende cet extrait à Maurice Sarthe pour qu'on puisse voir un peu, pour revenir au début de notre entretien, à cette destruction, cette barbarie qu'a vécu Palmyre. Comment ça se compare? On entendait ce qui s'est passé à Timbuktu, les mausolées donc de Timbuktu. On aurait pu parler des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Sur cette échelle de l'horreur, que représente Palmyre? Je crois que Palmyre marque probablement l'un des sommets de cette horreur, mais je ne crois pas qu'il faille essayer de peser le... À Timbuktu, la destruction de manuscrits irremplaçables, peut-être beaucoup moins célèbres. C'est vrai aussi que les tombeaux des saints de Timbuktu n'ont pas la notoriété à travers le monde des ruines de Palmyre, mais... Dans l'horreur de la destruction, on est au même niveau. On n'imagine pas le vide que ça peut créer, y compris pour la population locale. Ouais. Dans le cas de Palmyre, c'est non seulement leur passé qu'on détruit, mais c'est leur avenir. Parce que sans ruines à Palmyre, qui irait visiter cette oasis, dans le fond, pas plus spectaculaire que des tas d'autres, et on n'ira pas visiter Palmyre pour voir des dattiers ou des grenadiers. Vous êtes inquiet quel avenir à Palmyre? Je suis inquiet pour l'avenir de Palmyre. Je suis surtout inquiet de l'extension continue du groupe Daesh. La Syrie est un trésor archéologique, historique, culturel, dans chacun de ses replis. On voit actuellement ce qui est le plus visible, la destruction de Palmyre. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas négliger aussi les destructions réalisées par le régime de Bachar el-Assad. Mm-hmm. Je ne parle pas des destructions qui sont, j'allais dire, liées au combat directement, qui sont les à côté ou de la guerre. Mais Bachar el-Assad a détruit sciemment, volontairement, le vieil Alep pour punir une ville qui lui faisait défaut. Et la destruction du vieil Alep, c'est un crime contre l'humanité d'une même importance que la destruction de Palmyre par Daesh. De ce point de vue-là, je crois qu'il ne faut pas essayer d'atténuer les responsabilités des uns et des autres. Elles sont écrasantes des deux côtés. Maurice Sarthe, je rappelle que vous avez publié « Palmyre, la cité des caravanes », de même que « Zénobie, de Palmyre à Rome ». Monsieur Sarthe, ça a été un bonheur immense de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci de cette entrevue. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, les journalistes à la recherche Caroline Morin et André Martineau, à la recherche d'archives Suzy Hood, à la technique Martin Lavoie. Si vous avez envie de rattraper ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.